chronique de Québec. Au rendez-vous, une mystérieuse cabane de pêche dans le parc Saint-Roch, un concert immersif envoûtant, un théâtre sonore d'ombre et de lumière, une installation dont vous êtes le héros, des performances ludiques et des soirées festives uniques. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous convient à faire la découverte de ces œuvres hors du commun lors de cette grande fête multi. Le mois multi, du 3 au 27 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au restaurant Pub Le Dorsay, 65 rue de Buade à Québec. dorsayrestaurant.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le numéro 6 de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture réalisée par Caton, retrouvez dans les dessous de la création une entrevue avec l'infatigable éditeur de Pow Pow, Luc Bossé. De son côté, Sophie Bédard vous montre à quel point c'est difficile de devenir une sorcière. Découvrez également plusieurs auteurs talentueux jamais publiés auparavant au Québec et de jeunes auteurs comme Xavier Cadieux, Catherine Bard et Simon Barbary. Planche en kiosque dès maintenant. CKRL 89.1. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à L'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL. J'entienne la France au micro, accompagnée de ma co-animatrice Audrey Caro, avec vous en ce mardi 9 février et avec nous en studio également, Marie-Claire Tremblay et Louane Bourdeau. Bonsoir. Allô. Ça va bien? Oui. Oui. Donc, je vous ai invité à aller visiter les installations du Mois Multi. C'est pour ça qu'on est autant en studio. On va discuter de ce qui se passe dans les installations du Mois Multi en première partie d'émission. Et puis, ça va être une chronique qui va être bien remplie avec plus de 5 installations au menu. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et en seconde demi-heure, je vais m'entretenir avec Suzanne Jobidon qui présente une exposition de photographie dans l'espace galerie Pêche Sherpa. Et en fin d'émission, nous allons recevoir Audrey Demers-Roberge qui vient nous parler de son exposition Mort cellule le paysage qu'elle présente actuellement au CERC. C'est sa première exposition solo. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre page web et notre page Facebook au www.l'aérospatialeckrl.wordpress.com. Vous allez y retrouver les émissions en balado-diffusion, les actualités en arts visuels, un calendrier assez exhaustif des événements à Québec dans le milieu des arts visuels, quelques billets publiés par nos collaborateurs et la sélection audio de Simon Roy. Donc, parlons de la sélection audio de Simon Roy. Cette semaine, Simon nous propose l'artiste Zé Trigueiros. Je pratique mon portugais. Donc, c'est le premier album solo de ce percussionniste basé à Lisbonne et Amsterdam. Cet album s'appelle Beer With Me. Et on commence avec un extrait du titre Shetland Chords. Thank you. Alors, de retour à l'aérospatial, nous allons parler du mois multi. On va commencer par l'installation dans le parc Saint-Roch qui s'appelle, donc qui est faite par le collectif L'eau du bain, un collectif qui est composé d'Anne-Marie Ouellette et Thomas Sinou de Montréal. Donc, une cabane à pêche. Une cabane à pêche dans laquelle on est invité à vivre une expérience d'une quinzaine de minutes en solo. Hein? Donc, on doit réserver notre place sur Internet. Avez-vous réservé votre place sur Internet, vous, les filles? Oui. Non. Non? moi, je suis arrivée comme ça. J'ai demandé est-ce que je me suis mis en stand-by, en bon français. Et puis, il y avait une place là, juste pour moi. J'ai été chanceuse. Mais donc, on peut se pointer sur place, c'est tous les jours de midi à 19h. Mais je crois d'ailleurs que pour ceux qui veulent réserver, je crois que chaque journée ferme autour de 11h le matin. Donc, si on n'a pas pris le temps de s'inscrire à l'avance, ben là, on est mieux de se déplacer si on veut passer cette journée-là, parce que sinon, en après-midi, c'est plus possible de prendre des réservations, d'après ce que j'ai compris. Ah, d'accord. Donc, on peut quand même se pointer, demander s'il y a de la place, aller prendre un café, y revenir pour venir voir... vivre cette expérience. C'est une espèce de légende urbaine. On ne sait pas trop si c'est vrai ou non, hein, ce qui est à la base de cette œuvre-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Marie-Claire? Oui, c'est basé sur une légende, mais c'est quand même en lien avec un fait réel. Le fait qu'on a retrouvé à un moment donné, en juin 1968, sur une plage de Métabetchouan, au lac Saint-Jean, l'épave de la cabane de pêche et le corps d'une femme. Puis la partie légende là-dedans, c'est que justement, l'enquête a été tellement rapide, on a dû juger le corps non identifiable. Fait qu'il y a eu la légende, on reconnaissait cette cabane de pêche-là, qui était la cabane du Grand-Pierre. Là, je me fie au texte qui était inscrit à l'entrée. Ça, c'est divulgué aux visiteurs quand on va voir la cabane de pêche. Mais donc, on pense que justement, ça serait peut-être la maîtresse du Grand-Pierre qui aurait été peut-être volontairement oubliée dans la cabane de pêche ou qui se serait un peu laissé mourir finalement dans cette cabane-là. Donc ça, c'est le point de départ, c'est un peu la mise en contexte. Donc c'est un peu, c'est le naufrage d'une cabane au dégel des glaces. Oui, tout à fait. Puis ensuite, les artistes, en 2014, je sais pas de quelle manière ont eu vent de cette histoire-là, mais ont décidé vraiment de recréer ce phénomène-là. Donc, ont installé une cabane de pêche sur le lac Saint-Jean et ont essayé de revivre ce phénomène-là. Anne-Marie, vraiment, a voulu prendre la place un peu de cette femme-là qui a dû quand même passer des dernières heures un peu étranges, un peu triste, seule dans une cabane. Puis tandis que son comparse Thomas, lui, plutôt enregistrait tout le paysage sonore. Parce que c'est un peu ça, c'est vraiment ça aussi, l'œuvre. C'est une œuvre sonore. Simplement que là, on est vraiment, c'est une œuvre immersive. Donc, on vit, en fait, le paysage sonore, mais en étant à l'intérieur de la cabane. Donc, c'est une œuvre sonore qui est très réaliste. Hein? On est invité, la personne du mois multi nous invite à entrer, elle nous dit « tu peux faire ce que tu veux ». Il y a des éléments qui traînent, des livres, des vêtements, des choses pour cuisiner, une bouteille de vodka. Moi, j'étais curieuse, j'ai ouvert la bouteille de vodka. Moi, je me suis promenée, à vrai dire. Là, je sais que Marie-Claire, toi, t'as été plus sage. Mais on est quelques-unes à s'être promenées, à avoir observé le lieu, en tout cas. Puis moi aussi, j'ai fait des sauts. Parce qu'à un moment donné, je m'attendais pas à ce que quelqu'un me parle, ou parle, du moins une personne parle, puis j'ai vraiment fait le saut deux fois. Mais c'est ça, c'est intéressant, parce que c'est ça, on est confortable en plus, il fait chaud à l'intérieur. Ouais. On a envie de se promener, de voir un peu ce que peut-être cette femme, l'univers de cette femme aussi. Puis moi, ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est les cahiers qui étaient sur la petite table, puis il commençait à faire noir, fait qu'on était un peu avec juste les petites éclairage de la lampe, là. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est comme si on entrait un peu dans ses pensées, ses obsessions, ou en tout cas, du moins, ses pensées assez sombres parfois. Oui, on... Ben moi, en fait, mon expérience ressemble un peu à celle d'Audrey, mais moi, je suis allée quand il faisait noir déjà à l'extérieur. Donc, il y avait vraiment que l'éclairage qui est assez minimal dans la cabane. Donc, j'essayais de voir les choses. J'ai passé, disons, les premières minutes à explorer plus, regarder un peu partout. Puis ensuite, je pense que c'est là vraiment où je suis plus rentrée dans l'histoire. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'écouter les sons ambiants aussi. Parce qu'au départ, il y en a peu, des sons. On entend peut-être les craquements du feu. Ouais. Et puis, à un moment donné, les sons se font de plus en plus présents. On entend la voix de cette fantôme. Hein? c'est un peu... on est dans les murs, dans le plafond. On ne sait pas trop d'où... On les voit pas, hein, les haut-parleurs. Du coup, on a beau essayer de les chercher, mais c'est pas évident, en tout cas. On essaie de se dire, attends un peu, mais d'où il vient, le son, tu sais, d'où il origine par rapport à comment on l'entend. En tout cas, c'est intriguant. Oui, c'est bien fait aussi. Tu disais que, justement, l'aspect sonore ne commence pas tout de suite, mais c'est exactement le moment que ça te prend pour apprivoiser ton environnement. Peut-être mettre les pantoufles, parce que moi, j'ai osé mettre les pantoufles. Oui, aussi, première chose, j'ai mis les pantoufles. Mm. Puis un autre aspect aussi, ben, tantôt, on a parlé de la réservation du temps, du fameux 15 minutes qu'on passe dans cette œuvre-là. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun, dans le sens où, quand tu vois une œuvre, même si c'est une œuvre immersive, c'est rare que tu as 15 minutes pour toi à passer dans cette œuvre-là. Donc, c'est vraiment comme la permission de te l'approprier comme il faut, tu sais. Puis, l'artiste vient même taper à ta porte là, quand le 15 minutes est fini, fait que tu as le temps de la vivre comme il faut, de t'asseoir, de te mettre dans le bain. Oui, c'est un peu comme on prend une pause aussi. Ouais. On est là puis on tourne en rond, on sait pas trop quoi faire. Ça va bien aussi avec l'idée de la cabane de pêche. C'est à part pêcher, quand t'es dans une cabane de pêche, il y a pas tant d'activités à faire que ça. Là. T'es quand même coupé du monde, t'as pas l'électricité, donc il est vraiment. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais il y a pas de trou. Non. C'est non. Vrai? Ben l'artiste moi, me racontait justement que il y avait des motoneigistes qui venaient, ben les gardes-côtes, les gardes-pêche, qui venaient toujours leur rendre visite parce que les artistes ont recréé là la cabane de pêche, puis ils venaient toujours voir s'ils avaient fait un trou parce qu'ils n'avaient pas payé justement non plus de quota de pêche. Fait que je me demandais un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ouais, c'est ça. Fait que petite anecdote comme ça en passant, je trouvais ça quand même comique. Oui, c'est quand même assez amusant. Puis ils m'ont dit aussi que en fait la prochaine escale de l'œuvre, ce serait en galerie. Donc j'imagine que là encore une fois, ça va être complètement différent comme comme mode de présentation vu que là on est vraiment à l'extérieur, mais là ce sera à l'intérieur. Mmh. Parce que, faut le dire, la cabane est installée dans le parc Saint-Roch, un peu à l'endroit où on retrouve la fontaine. Donc, qui est un peu sur la glace. Passons aux installations vidéo d'Alison Moore. Donc, deux installations vidéo qui sont présentées à deux endroits différents. L'une au Cercle, Urban Terrarium, et l'autre dans la vitrine de Regard à Lévis, Suburban Terrarium. Donc, des triptyques, des triptyques vidéo dans lesquels il y a de l'animation, c'est un plan de côté, un côté de rue assez coloré, assez animé, quoique le suburban, du côté de la banlieue de Lévis, hein, il y a ce jeu conceptuel qui était voulu par la commissaire également, c'est un peu plus... je dirais ancré dans un quotidien, alors que du côté du Cercle, il y a beaucoup plus de folie, hein? On se croirait quasiment dans une fête foraine à certains moments. Il y a ces personnages qui sortent des toits, qui dansent, et puis il y a le jeu d'échelle aussi qui est très très différent. Êtes-vous allé voir les deux? Oui, moi. Moi, je suis allée voir que celui au Cercle. Ouais. Donc, pour à regard, la vitrine n'est pas très grande, non? Donc, c'est trois écrans de télévision. On voit ces personnages de banlieue. On voit l'autobus scolaire qui passe, qui débarque les enfants. Donc, vraiment des occupations de promener le bébé, de tondre le gazon. Alors qu'au Cercle, c'est un peu plus déjanté. Je trouvais que ça représentait bien aussi la faune urbaine. T'sais, il y avait des fois des comme l'expression là, de bag lady, là, la femme qui se promène avec plein de sacs, puis tout ça. Puis là, tu la regardes, qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, il y a des gens qui passent, des éboueurs. Il y a vraiment toutes sortes de personnes. Puis moi, j'ai pas vu celui à Lévis, mais je trouvais que c'était intéressant à la fois d'avoir cet aspect vraiment d'ensemble, mais aussi à ensuite prendre le temps de regarder les personnages, chacun, qu'est-ce qu'ils faisaient dans toute la projection. Là, c'est quand même, je trouvais que ça donnait des aspects différents aussi. Puis un aspect aussi voyeur, je trouvais, dans cette exposition-là, parce que justement, dans cette exposition, ben en fait, dans ces vidéos-là, parce qu'on voyait toujours à l'intérieur des bâtiments, souvent par les fenêtres, on voyait ce que les personnages aussi faisaient. Puis, ben bon, moi, j'ai pointé justement à Lévis. Je trouvais que c'était parfois un peu stéréotypé aussi, ce qu'on voyait, la mère de famille, tout habillée en rose, qui essuie sa vaisselle, le personnage qui s'occupe de son grand gazon, comme on voit en banlieue, le petit jogger, le chien, bon, tout cet univers-là. Mais il y a une chose aussi, peut-être pour ajouter complètement autre chose, il y a un aspect très figé dans la vidéo qui est quand même intéressant. Il y a comme une dichotomie entre ce que je nommerais le décor, oui, qui est vraiment fixe, et les personnages qui ont une démarche, oui, comme un peu lente. Moi, ça me faisait penser aux jeux vidéo de Sims. Je sais pas si vous avez déjà vu. Je trouvais qu'il y avait comme cet aspect-là de genre recréer la vie tout autour, puis tout ça. Donc, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu rien là-dessus, mais je trouvais qu'il y avait quand même un lien à faire entre les deux. Moi, je trouvais qu'il y avait un aspect un peu animation. Ça me faisait penser à des gifs. Oui, il y avait un côté très répétitif dans le mouvement des personnages, dans ce qu'ils faisaient. Ça me faisait penser un peu à des gifs animés qu'on peut voir passer sur notre fil Facebook là, tous les jours. Donc, on va partir à la pause et puis on va revenir en parlant d'autres installations du Moi Multi. Donc, on part avec un extrait toujours de l'album Be With Me, Terra et Mar. Entre la luz y la sombra. Alors, de retour à l'aérospatial, donc on est en train de discuter des installations, pardon, au Moi Multi avec Audrey Caro, Marie-Claire Tremblay et Louane Bourdeau. C'est Jean-Tiane, La France au micro. En fait, pendant la pause audio, on parlait déjà de Vert Sentier Sonore qui est présenté à la Chambre Blanche. Donc, c'est une résidence de Sonia Pachorochia. Qui travaille le son, je pense, hein, les filles? Oui, bien, en fait, tout à fait, c'est principalement de l'art sonore, quoique il y a toutes sortes de systèmes, de mécanismes, parce que c'est une artiste aussi très multi, mais à la base, c'est une compositrice. Donc, une formation collégiale puis universitaire en composition. Et donc, ce qu'elle présente justement à la Chambre Blanche, moi et Louane, on a été assez chanceuses. Elle nous a invitées justement elle nous a parlé un peu de son travail. Elle nous a invitées à visiter. À découvrir là, ce qu'elle préparait. Oui. En fait, pour le moment, il y a vraiment deux on pourrait dire, deux grandes voix. D'un côté, il y a les instruments de musique. Donc, elle va travailler surtout avec le métal. Elle va travailler avec la réverbération, la percussion du métal. Donc, toutes sortes de moyens. Par exemple, elle va jouer avec une scie, avec un archet. Elle va travailler aussi avec des slinkies, donc les espèces de ressorts en métal là, avec lesquels on jouait quand on était enfant. Donc, elle va vraiment explorer ces sons-là. Et son but, éventuellement, ce serait de rendre les instruments automates. Donc, vraiment faire des espèces de petits robots qui vont pouvoir faire les sons et qu'elle pourra contrôler. De l'autre côté, elle a aussi travaillé avec des miroirs. Donc, des miroirs qui font des rotations, qui font des mouvements. Et donc, il y a tout le jeu aussi de réflexion de la lumière au mur. Puis c'était vraiment intéressant, là, on en parlait tout à l'heure, moi et Marie-Claire, ce qu'elle disait, en fait, c'est que quand elle voit l'espèce de chorégraphie que ces miroirs font au mur avec la lumière, elle, dans sa tête, elle entend tout de suite la musique. Donc, pour elle, il y avait vraiment un lien à faire avec tout ça. Et là, je pense que, comme c'est une résidence qui est quand même assez longue, je crois qu'elle commençait il y a 2 semaines et elle finit à la fin du mois. Donc là, c'est toute une exploration là, de ces deux aspects-là que l'artiste fait. Donc, on peut la visiter à différents moments pour voir les étapes d'évolution, d'exploration sonore qu'elle va faire à la Chambre Blanche. C'est assez intéressant comme pratique. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut visiter son site web, le musinou.net. Elle met en ligne fréquemment des petites vidéos, des avancées un petit peu de son travail. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça nous donne la chance d'aller fouiller dans ses archives, ce qu'on a fait aussi. Donc on trouve toutes sortes de choses intéressantes. On voit qu'elle explore vraiment différents matériaux pour aller en chercher le son. Au Cégep, elle nous avait parlé justement d'une, je l'appelle une symphonie, mais une pièce musicale qui avait été composée par des musiciens qui jouaient de la carte de métro, des vieilles cartes de métro qu'on trouvait à l'époque à Montréal. Donc, c'était assez fascinant. La carte de métro devient une espèce de percussion? Bien, utilisée de diverses manières. Okay. On voit pas très bien, là, parce que, bon, c'est une vidéo de quelques années quand même, là. La précision est pas tellement là, mais parfois, ils ont l'air de siffler, de frapper les cartes de métro avec les autres. Je pense que c'est quelque chose aussi qui revient encore aujourd'hui, c'est qu'elle va vraiment explorer toutes les facettes dès qu'elle va avoir quelque chose entre les mains, tous les sons qui pourraient sortir de ça. Même si elle travaille beaucoup avec l'électro, elle disait que vraiment, elle, ce qui l'intéressait, c'était les sons, pas par ordinateur, mais les sons réels. Donc, elle essaie d'épuiser le potentiel sonore des objets. À suivre, en tout cas, ça va se terminer le 28 février à la Chambre Blanche. Donc, on peut passer tout le mois à aller faire des petits tours. Et puis, il y a François Quivillon aussi qui expose le vernissage est cette semaine. Mais dans la vitrine de Manif d'art, il y a une installation vidéo et sonore de François Quivillon qui résulte d'une résidence qu'il a fait en Islande, donc à l'éruption du volcan sous-glaciaire, et je vais bien le prononcer, Bagbunga. une suite de d'images vidéo et de sons qui sont sur la rue, en fait. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile dans l'expérience de l'œuvre, d'avoir les autobus qui passent derrière et d'essayer d'appréhender les sons de ce volcan qui dort, qui cherche à se réveiller. Oui, parce que j'ai l'impression aussi que c'est une œuvre qui s'apprécie justement dans la lenteur, parce qu'en tant que telle, on est dans l'attente de l'explosion de ce volcan-là. Donc, toutes les diverses images vidéo nous montrent la nature qui commence à s'éveiller, mais dans un processus qui est très, très lent. Puis je trouvais ça intéressant aussi, je lisais sur son site justement qu'il y avait une opposition entre ce qu'il voyait dans l'alarmement qui se passait dans les médias, c'est-à-dire que tout le monde craignait l'explosion du volcan, et la nature qui pourtant semblait peu active, en fait. Il semblait avoir peu de phénomènes qui se manifestaient réellement dans la nature. Donc, il y a un réel suspense qui s'installe dans cette installation-là. Il y a des données scientifiques aussi. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a des liens beaucoup à faire avec l'installation de Christian Calon qui est malheureusement terminée, mais qui était au studio d'essai. Il y a Christian Calon long qui parcourait le Canada pour explorer le titre de l'œuvre, c'est Continental Divide. Donc c'est division de bassins versants, des grands bassins versants qui divisent le pays. Donc une espèce de road trip, hein. Avec plus de 7 mois, je pense, sur la route pour justement, ouais. Là, c'est, je pense, c'est 41 000 km, quelque chose comme ça. C'est vraiment immense. Et un écran qui est énorme. Oui, ouais. On s'assoit, on vit l'expérience de ce road trip. Les images parfois se superposent. Les images de cartes. Donc, il y a quelque chose aussi de topographique. Mais on dirait qu'on se sent comme peut-être dans le bouquin, comment qu'on appelle ça, dans l'Atlas. Mm-hmm. Vu qu'il y a une carte mm-hmm. qui superpose au paysage. Et à d'autres moments, on est complètement dans le paysage. Donc, on continue à faire le lien aussi avec cette division-là, cette démarche-là aussi qui est quand même scientifique là, en tant que telle. Très scientifique. Donc, c'est divisé en segments avec des informations entre les différents segments. On apprend différentes informations scientifiques à propos de la géographie de ces lieux-là, de la végétation, de la faune, tout ce qui les distingue les uns des autres. Mais dans le son... Ouais, c'est là qu'il y a vraiment toute la différence. Le contraste avec les images. Puis je trouvais aussi que il disait dans sa démarche que vraiment lui il tentait de prendre des sons qui ne provenaient pas du tout de la nature, donc il y a vraiment le contraste qui se fait là. Puis je pense aussi que ça fait comme un beau parallèle avec justement ce qu'il y a dans la vitrine de la manif, alors que quand on voit l'œuvre de Christian Calon, on est vraiment assis, on peut prendre le temps de voir tout. C'était près, je pense, d'une heure et demie, la projection totale. Mmh. Tandis qu'à l'extérieur, on essaie de comprendre tous les petits détails, de s'approcher. Donc, pour moi, en tout cas, je me sentais beaucoup plus dans l'attente de quelque chose, dans le tenter de regarder d'avoir les petites observations subtiles qui me permettraient d'en savoir plus. Puis, au contraire, dans Calon, comme c'est aussi dans la longue durée, on dirait que le spectateur aussi devient dans une espèce de durée plus grande dans son appréciation de l'œuvre. Alors, chers auditeurs, on vous invite à aller visiter ces installations du Mois Multi. On va faire un autre segment la semaine prochaine sur les installations qui vont ouvrir cette semaine. Merci beaucoup, Marie-Claire, merci. Audrey merci. Et Louane, d'être venues discuter de ces installations en studio. On part en pub. En publicité. Poppin' pills, rollin' bills, rollin' blunts, poppin' sales. Some shit I never seen, she done some shit I never seen. Rollin' trees, rollin' deep, taking E, LSD. Some shit I never seen, she done some shit I never seen. Uptown, midtown, cross town, downtown. Some shit I never seen, she done some shit I never seen. Walking home, all alone, lost the mind, lost the phone. Vous écoutez CKRL 89.1. Alors, de retour à l'aérospatiale, le magazine en art visuel à Québec, nous avons le plaisir de recevoir Suzanne Jobidon en studio ce soir. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, très, très bien. Donc, vous exposez des photographies, donc une exposition assez diversifiée à l'espace Galerie Sherpa en ce moment. Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui vous a amené à faire de la photographie? Oh, ça fait longtemps, mais c'est au parc Jeanne d'Arc, j'ai plus commencé à prendre des fleurs. Après ça, ben en marchant, je prenais des choses au passage, ce que je trouvais beau, ce que je voyais que j'avais peur qu'il se perde, comme le presbytère de Saint-Dominique là, qui est plus là là. Oui. Puis là, je veux pas que toutes mes photos soient des archives là. Oui. À part ça. Donc il y a vraiment cette volonté de conserver quelque chose. Ben le patrimoine, je trouve c'est important là parce que ça permet de se souvenir, tu sais. Si tu enlèves tout le patrimoine, comment tu fais pour te souvenir? Tu sais, la mémoire, c'est important. Faut pas refaire les mêmes choses qui sont passées. Faut pas répéter les mêmes erreurs. Tu sais, puis le patrimoine, c'est l'histoire. Puis comme le centre du rocher, je veux dire, c'est le méduse de Saint-Sauveur. Faut pas que ça se détruise. Puis il y a la grande vitrine là. Puis là, le monde, ils peuvent tous s'exprimer là. Puis moi, je veux tout envoyer sur Mère Labeaume. Oui, donc dans cette grande vitrine-là, la vitrine donne sur la rue, hein, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté vitrine hein, qui donne un contact avec les gens qui passent jour et nuit. On peut voir des très grandes photos que vous avez faites imprimer, que vous avez installées là et vous invitez les gens à s'exprimer. On a Gilles Simard aussi en studio, pardon. Donc bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Ben moi j'accompagne là, Suzanne et c'est ça là. Le thème, c'est vraiment là, que font-ils de nous là, hein? Suzanne, ça touche la pollution. Ouais, les fleurs qui pleurent, les champs partout qui veulent enlever, l'oxygène qui va manquer, les gros édifices de 18 étages construits qui vont cacher la lumière. Ça n'a pas de bon sens. Puis il y a vite là, c'est pas bon pour les oiseaux ça. Puis l'expo là, c'est à Sherpa, Alain Côté m'a aidé beaucoup. Il y a une bicyclette, il y a un pneu, il y a des vieilles vitres. Il y a au moins 100 photos. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez procédé avec Alain Côté, qui est l'artiste accompagnateur? Comment vous avez procédé pour faire la sélection des photos? Ben dans le journal du Soleil, ils disent que j'ai monté le Mont Everest. Mais c'est une belle métaphore pour bien comprendre, oui. Parce que le travail de photographie, c'est pas seulement qu'appuyer sur un bouton, mais c'est également sélectionner puis se poser des questions sur les photographies. Oui. Mais ça, Alain m'a beaucoup aidé. On voit qu'il y a des thématiques hein, sur la planche qui est accrochée. De l'autre côté de la vitrine, on voit que vous avez choisi des photographies d'oiseaux. Sur la colonne, des photographies de fleurs. Donc, il y a des regroupements un peu thématiques comme ça. Aussi du transfert d'images. Oui, de magnifiques transferts d'images. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la technique que vous avez utilisée pour faire le transfert d'images? Ben, c'est Alain qui m'a montré. C'est un peu comme une forme de gravure. C'est assez facile. Tu prends une toile... Ensuite, tu prends une photocopie de la photo en noir et blanc sur papier ordinaire. Tu mets du médium mat fluide. Tu appliques la photo sur la toile. Tu appuies le plus que tu peux. Puis là, il y a des bulles, mais ça fait des effets. Ensuite, tu attends un certain nombre de minutes. Ça dépend selon la toile. Puis après ça, tu t'enlèves le papier un petit peu. Là, faut que tu attendes 4 heures à 12 heures à 24 heures. Puis après ça, c'est le scrubage. Ça, c'est une job de bras. C'est tout Alain qui l'a fait. Puis il est en manque. Alors là, on va donner un atelier à Sherpa. Mais... Donc, vous allez animer un atelier pour montrer comment on fait du transfert. Ouais. Mais moi, j'ajouterais là, par rapport à Suzanne. Là, bon, il faut dire que je suis un inconditionnel de Suzanne. Ça aide beaucoup. Mais il reste que le travail qui a été fait avec Alain Côté, qui est accompagnateur, il est assez extraordinaire. Le choix des photos de Suzanne, le choix des photos est très bon. Les photos sont très belles. Et ça touche vraiment, là, comme elle le disait tantôt, plusieurs thèmes, l'environnement, le patrimoine, le bâti à Québec. Et ça vaut la peine de venir faire un tour. C'est vrai que les vitrines sont belles à Sherpa. Et on a juste acheté un coup d'œil à un moment donné, je pense, entre autres, là, Suzanne en a parlé tantôt, hein, au Centre du Rocher, qui est d'actualité de ce temps-ci. Ouais. On a qu'à lire droit de parole. Ça s'est fait en catimini, ça. Oui. Puis le Centre du Rocher, là, Gilles, ça coûterait 200 à 3000 $ pour le rénover, là. Mais parfaitement d'accord. Mais oui, mais comment ça, ça n'a pas de bon sens, là. Mais là, je vais me choquer, puis il y en a qui disent, je suis pas belle quand je me choque, mais là, c'est une joke. Mais à la radio, on vous voit pas. Ouais, vous choquer. Ouais, mais je vais me choquer fort, je vais briser la tasse, pas compliqué, tu sais. Mais tout ça pour dire que Suzanne... Moi, j'envoie tout au maire là-bas, mais le monde sont invités à écrire, là. Envoyez Malé à Sherpa, écrivez, ça n'a pas de bon sens. Sur la photo, là. Sur la photo. Oui, là, directement sur les photos. Directement sur les photos, oui, les gens peuvent écrire, laisser une petite note à l'administration de la ville. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose, ça rend l'exposition beaucoup plus vivante. C'est interactif. C'est le fun, c'est interactif. Et encore une fois, moi j'invite les gens à venir voir ça, puis je félicite Suzanne. Je le dis encore, je suis un inconditionnel. Hein, Suzanne, c'est ta première expo photo, mais bravo. Ben, ouais, merci, mais c'est pas ma première expo, c'est ma première expo solo. Solo. Mais c'est un travail d'envergure que vous exposez là. Ça s'étale sur plusieurs années, toutes les photos que vous avez prises. Ouais. Oui, hein? Ouais. Et puis, comment vous procédez dans votre prise de vue? Je pense que vous prenez des marches la matinée. Ben, Avant, je prenais beaucoup de marches. Ben, j'aimais ça marcher, là. Mm-hmm. Comme j'habitais proche du quartier Brébeuf, là. Oui. Puis là, j'allais tous les matins, j'allais au parc. C'était le seul temps que je me sentais en sécurité. Mais le jour, j'allais un petit peu sa première, là, la quatrième, là, faire des commissions, là. Mais, tu sais, il y avait un super beau parc, là, des canards. J'ai pris des canards, des mamans canards avec des bébés canards, et des oiseaux. Puis il y a aussi Saint-Augustin. Mon père, il habite à Saint-Augustin. Puis j'ai deux tantes qui habitent à Saint-Augustin, qui ont des fleurs. Puis c'est comme un écosystème. Puis là, il va y avoir l'oléoduc qu'ils veulent construire. Là, puis là, j'ai peur que ça détruise ça. Puis le fleuve, c'est quelque chose de majestueux. Notre patrimoine, c'est quelque chose de majestueux. Puis le patrimoine religieux aussi. Je pense qu'on n'aurait pas dû flusher le patrimoine religieux. Parce que c'est comme si on avait flushé le bébé avec l'eau du bain. C'est sûr qu'il faut pas faire les mêmes erreurs. Il y a des erreurs qui se sont faites, là. Mais là, on embarque dans un sujet délicat, là. Mais on sent que c'est vraiment vous travaillez avec votre cœur, hein? Juste mon cœur, ma tête aussi. Oui, avec vos yeux aussi. Ouais. Vous avez un très bon sens de l'observer. Pas obligé d'avoir une bonne caméra, hein. Pas obligé d'avoir une bonne caméra, là. Moi, j'ai tout le temps ma caméra sur moi, là. Pas obligé de. J'ai commencé avec ma première caméra, c'était à l'âge de 12 ans, mais un moment donné, vers 40 ans, j'ai reçu une petite Samsung, là, qui a coûté 100$, là, tu sais, puis ça a pris des bonnes photos, là. Puis l'église Saint-Jean-Baptiste, faut pas que ce soit une archive, ça, tu sais. J'ai oublié un papier chez moi, là, mais... Mais on peut dire, Suzanne, que t'es un témoin du quotidien. J'étais. T'étais? J'étais. Mais vous l'êtes encore, vous continuez à prendre des photos? Un peu. Oui? Un peu, moins. Qu'est-ce que ça vous apporte de prendre des photos? Ce côté de souvenir dont vous parliez au début, de conserver des choses qui vous importent. Je veux pas que toutes mes photos soient des archives, ça c'est sûr, oui. Là. C'est sûr, mais j'aime beaucoup prendre les oiseaux, les fleurs, les... Mais après l'expo, je vais peut-être passer à d'autres choses, moi, là, parce que j'ai fait beaucoup de choses, je veux dire, mais j'invite le monde à venir voir l'exposition, là. Oui, on invite tout le monde à aller voir l'exposition. Donc, c'est exposé jusqu'à Sherpa. C'est une exposition qui s'appelle « Que font-ils de nous? » Ça finit le 23 février. Ça se termine le 23 février. Puis il y a des spots le soir pour voir. Pour voir la vitrine, mais c'est... Puis en dedans aussi, on voit. C'est une belle expérience d'entrer dans cet espace-là et de faire l'expérience de ces installations toutes plus originales les unes que les autres. Je vous remercie beaucoup, Suzanne, d'être passée en studio. On va partir en pause audio avec un extrait de Zé Trigueiros. Merci. Compañera. Alors, de retour à l'aérospatiale, on reçoit Audrey Demers-Roberge. Bonsoir, Audrey. Allô. Ça va bien? Oui, vous autres? Oui, très, très bien. Donc, je suis entourée de deux Audrey à l'orthographe différente. Donc, Audrey, tu es une jeune artiste de Québec. Tu travailles beaucoup avec différents médiums. Tu t'intéresses beaucoup à la nature, à sa représentation et l'exposition. On sait que je crois que c'est ta première exposition solo. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expo-là, mettons pour les gens qui ne l'ont pas vue encore? OK. Ben, tout d'abord, le cercle m'a invité sous le thème de la nordicité. Ça fait 3 ans qu'ils ont des thèmes récurrents, puis ils m'ont invité dans le fond sous ce thème-là. Parce que mon travail en général parle quand même beaucoup de l'environnement nordique, le territoire nordique. Fait que mon expo s'appelle Morceler le paysage. Fait que à travers plusieurs médiums, ben je présente des fragments de nature ou de paysage, basés surtout sur notre nature québécoise, nordique et l'Islande. D'ailleurs, on parlait tantôt de l'autre artiste là, du mois multi. Mm-hmm. C'était quoi son nom déjà? François Quévillon. Ah, c'est ça, oui. Qui attendait que le Bardabunga explose. Ben, moi, j'étais là au même moment. Je faisais un trek en Islande à ce moment-là. Puis je présente les photos là, au cercle. Puis le Bardabunga est rentré en explosion à la fin de mon trek. Là. C'était intense. Oui, donc tu as eu l'occasion de vivre l'expérience de l'éclosion du volcan. Oui, ben on était sur le même glacier en fait, là, fait qu'il n'était pas très loin. Est-ce que vous vous êtes rencontrés, François Quévillon et toi? Non, je ne l'ai jamais rencontré encore. OK. Ah, mais c'est assez intéressant de voir que les artistes du Québec se croisent, mais sans se voir à l'étranger. Donc, je pense que tu travailles à partir du dessin, de l'installation, une installation assez audacieuse. Je me demande si j'ai déjà vu une œuvre d'art installée dans cet espace-là. On a l'aquarium au cercle et on a cet espace qui est un peu au-dessus, si on veut. Il l'appelle la mezzanine, oui. Oui, la mezzanine, donc au-dessus de l'entrée du bar du cercle. Ouais. Peux-tu nous parler un peu de... Je pense que c'est pas la première installation que tu fais de ce type-là, c'est des rouleaux de papier sur lesquels tu apposes des représentations de branches. Donc, il y a vraiment une espèce de mise en abîme, si on veut, ou de morcellement, hein, comme le titre de l'expo le dit. Oui. Ça fait quelques années que j'ai fait mes premiers arbres, si je peux dire, qui étaient assez fidèles, mettons, à de véritables bouleaux. Là, je m'étais vraiment appliquée à ajouter plusieurs épaisseurs, comme un bouleau à plusieurs épaisseurs. Puis, au fur et à mesure de mes expos, j'en suis arrivée, là, dans le fond, avec le cercle, à quelque chose de plus minimal. C'est tout simplement le rouleau de papier, soit de couleur grise, noire ou blanche. Puis, je fais juste à poser, dans le fond, un dessin vraiment détaillé d'une branche avec des lichens, mettons. Fait que c'était un peu l'idée de garder ça assez minimal. Puis ça joue beaucoup aussi avec l'architecture du lieu puis la lumière. Fait que ça, je pense que ça donne une idée de ce que ça pourrait être une forêt, mais... Oui, une espèce de fragment de sous-bois, si on veut. Oui. Et juste en bas de cela, il y a une grande, grande peinture qui est un peu une espèce d'huile sur toile, d'abstraction un peu d'un sol rocheux, d'une surface d'eau et sur les côtés, comme des palettes de couleurs. Ouais. Puis ce procédé-là, tu l'utilises souvent dans ton travail lorsque tu fais du dessin au crayon, de faire des coups de crayon pour aller représenter les différentes couleurs que tu utilises, c'est ça? Un genre d'échantillonnage, en fait. Là. C'est pas mal un des liens, mettons, du moins esthétique, entre toutes les œuvres au cercle. Il y a la peinture, bon, mais les palettes de couleurs qu'on voit, c'est celles que j'ai utilisées puis que j'ai préféré dans le fond mettre, puis qui sert un peu de cadre à cette grande peinture-là, parce qu'elle est quand même assez grande, 162 pouces de longueur à peu près. Toutes des panneaux de bois aussi est fragmentée, l'image est fragmentée en plusieurs panneaux. C'est ça. Puis dans mes dessins aussi, j'ai pris la peine de juste, faire un petit coup de crayon de telle couleur que j'ai utilisée, juste pour échantillonner l'image puis les couleurs que j'ai utilisées. Donc, le dessin, l'installation, la peinture, mais je crois que c'est la photographie qui, en fait, c'est l'objet de la projection qu'on retrouve dans l'aquarium. Tu nous parlais tout à l'heure de ce trek. C'est une résidence que tu as faite en Islande? Ou? Non, c'est de manière un voyage, personnelle. Oui, puis je voulais absolument parcourir le territoire à pied. Puis pour rentrer dans les terres, c'est pas nécessairement évident, là. Fait que j'ai fait un trek avec des guides. On était une dizaine, puis on a parcouru des surfaces, là. On s'est rendu jusqu'à parcourir un glacier aussi. Fait que c'était assez intense, mais c'était... Puis moi, en fait, sur le chemin, j'ai pris des photos du sol parce que c'est ce qui m'a le plus amusé dans tout ça, ou même... étonnée, c'est toute la diversité des toutes petites plantes qui réussissent à pousser dans ce climat aride-là. La végétation nordique. Et, oui, puis en plus, c'est super riche aussi ce sol-là parce qu'il y a tout l'aspect volcanique là, avec le sable noir, puis les éruptions et tout, fait que ça donne au sol plus de minéraux, fait qu'on obtient là, une espèce de variété de plantes super rustiques, là. Puis j'ai à peu près 25 photos, une espèce de série sur juste les sols que j'ai parcouru. Puis en fait, ces photos-là ils ont été prises avec une espèce de semi-automatique argentique couleur, puis il faisait pas le focus. C'est ça. C'était l'objet floues. De ma prochaine question, ce rapport au flou photographique, ouais. Parce que tu nous parles de ta fascination pour cette flore très différente, cette flore ouais. survivante, mais toutes ces photographies-là sont floues. Oui. je me posais la question en visitant l'exposition si c'était quelque chose qui avait rapport un peu avec l'abstraction, parce que tu joues un peu ouais. à cheval entre le figuratif et l'abstraction dans tes représentations, dans tes dessins, tes peintures. Donc, je me demandais si c'était quelque chose sur lequel tu travaillais, mais c'est intéressant de voir que c'est l'appareil qui t'a un peu imposé La raison pourquoi je choisis plusieurs... que je suis multidisciplinaire ou que j'utilise plusieurs médiums, c'est que chaque idée ou chaque concept se représente mieux par un médium différent. Puis là, la photographie était le médium idéal parce qu'en fait, littéralement, là, ce qu'on voit, c'est mon parcours puis c'est un témoin de ce qui est arrivé. Fait que, dans le fond, les images sont floues parce que ou même prises avec un flash dans le noir. Les négatifs sont rayés aussi parce que j'ai remarqué. En fait, mon appareil est mort en chemin là. Dès qu'on est arrivé sur le glacier, je dirais que la moitié des appareils des gens sur place est mort. C'était froid, l'humidité, difficile de garder ton appareil. Aussi en bon état quand tu fais un trek là, 24 heures sur 24. Fait que dans le fond, ces images-là sont littéralement une espèce de témoin du parcours. Puis oui, effectivement, je m'intéresse aussi en général le figuratif et l'abstrait. Puis je pense que là, les photos agissent un peu comme des... je les ai imprimées en grand pour qu'elles agissent comme un peu comme une peinture peut oui, agir, en fait. Oui, exactement. Donc, une espèce de travail de coloriste, hein, ça va vraiment chercher un peu les côtés un certain aspect de la peinture abstraite. Oui. Donc, une exposition très intéressante à visiter au Cercle. Donc, les projections sont le soir lorsqu'il fait noir. Sur la porte de garage de l'aquarium avec un ensemble multidisciplinaire, on peut le dire. pardon, d'œuvres. Ben, merci beaucoup, Audrey, d'être passée à l'émission pour nous parler de ton exposition. Et c'est exposé jusqu'au 6 ou 7 mars. Là, jusqu'à la première semaine de mars, vous avez encore quelques temps pour aller voir cette très, très belle expo. Alors, on va partir en pause audio. Et au retour, on va faire avec Audrey un rappel des événements de la semaine. Donc, on vous laisse avec un extrait de Pontao. Merci. Merci. Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale, donc dernier segment d'émission consacré au rappel des différents événements à ne pas manquer cette semaine. Alors, Audrey, je te laisse te lancer dans ces annonces. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la prochaine semaine. Donc, ce jeudi, il ne faut pas manquer le deuxième vernissage des installations du mois multi, donc à compter de 17h à Méduse et dans d'autres lieux connexes, mais le hall de Méduse, le studio d'essai, la salle multi, Manif d'art, studio d'avatar, vue, la bande vidéo, la galerie des arts visuels et également un cabaret mobile à 22h au restaurant Fastoche dans Méduse. Donc, important, là, vous pouvez aller voir là. Et à compter de jeudi jusqu'à dimanche, il y a le spectacle Pavillon des immortels heureux de Marcel Hudon et Maxime Giroux à la salle multi. C'est payant, donc il faut quand même réserver son billet. Sinon, vendredi soir aussi, grosse soirée, toujours au mois multi, il y a rencontre avec la commissaire du mois multi, Ariane Plante, et quatre artistes du festival. C'est de 13h à 17h dans le hall de Méduse. Conférence aussi au lieu à 16h sur la performance et les enjeux de la documentation de Georges Azaria et quelques invités. Après ça, il y a le vernissage de la céramiste Jenny Paquette à Materia à compter de 17h. Il y a aussi vernissage à l'œil de poisson, donc de Carl Bouchard et Maude Bernier à compter de 20h. Et aussi à 20h également, ailleurs dans Méduse, c'est le lancement de l'album De Maze de Jocelyn Robert. Et aussi au musée, pour ceux qui vont être peut-être plus dans le coin des plaines, soirée d'improvisation musicale autour des œuvres de la collection Pierre Lassonde à 20h. Sinon, dimanche, cabaret mobile du mois multi, c'est pour les tout-petits et les parents. Donc, allez faire un tour sur le site. Appel aux familles. Oui, exactement. Et sinon, c'est la dernière semaine pour voir Systématique d'Andriane Jacques à Engram, donc jusqu'à dimanche. Et Le son de l'air et froid de L'eau du bain dont on a parlé au début, donc l'installation dans le parc Saint-Roch, c'est jusqu'à dimanche. Alors, vous allez retrouver toutes ces informations et la balado de diffusion de l'émission sur notre page web. Je voudrais remercier nos invités Suzanne Jobidon et Audrey Demers-Roberge, ainsi que nos collaborateurs et collaboratrices Simon Roy, Marie-Claude Tremblay, Louane Boudreau, ainsi que Jacques Gignac à la mise en onde. Et un merci des plus précieux à ma co-animatrice Audrey Caro. Je cède le micro à Pierre Blais et son émission Situation critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. Chaque trousseau de clés perdues a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retombe plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci au service des plaques porte-clés des amputés de guerre. J'ai perdu mes clés et la télécommande de ma voiture dans un parc. Plus tard, j'ai eu l'heureuse surprise de les recevoir par messagerie. C'est un service hors pair. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputedeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Millennium pour millénaire et non pour Lisbeth Salander. Millennium pour 1000 ans de musique qui vous sont proposés tous les mardis soirs dès 19h30. Il y a deux sortes de musique, disait Duke Ellington. La bonne et la mauvaise. Millennium vous propose la première dans tous les genres et de toutes les époques. Ainsi, le troubadour Muddy Waters côtoiera son ancêtre Bernard de Ventadorn, Chopin et Catherine Major partageront leur clavier et Frank Zappa se disputera avec Miles Davis. À ne pas rater, c'est Gilles Chomel qui régale. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En février, le cinéma Le Clap accueille les familles. Voyez dès maintenant Le Garçon et le Monde, nommé aux Oscars. Le Petit Prince, dès le 12 février. Belle et Sébastien 2 et Avril et le Monde truqué, dès le 19 février.